Bonjour à toutes et à tous, c'est Laura Giroir de Montlouis-sur-Loire qui vous parle. Aujourd'hui, nous sommes à la passerelle à Montlouis-sur-Loire et je suis avec Oumali, Kali et Méline. Présentez-vous un peu avant qu'on commence le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Méline, j'ai 12 ans, j'étudie à Raoul-Rebout et j'habite à Saint-Martin-le-Beau. Bonjour, je m'appelle Oumali, j'habite à Montlouis et j'étudie à Raoul-Rebout. Bonjour, moi c'est Kali, j'ai 12 ans, j'habite à Saint-Martin-le-Beau et j'étudie à Raoul-Rebout. Et moi c'est Laura Giroir, j'ai 12 ans, j'habite à Montlouis-sur-Loire et j'étudie au collège Raoul-Rebout. Alors aujourd'hui nous sommes au CLC La Passerelle pour vous proposer un retour sur les animations des deux derniers mois, donc novembre et décembre. Au programme nous avons le marché de Noël, la soirée de valorisation des projets de jeunes, les 6 heures de jeux vidéo, les permanences IJ sur le Sud Cher, l'orchestre d'harmonie et manga sur Loire. Comme on parlait du marché de Noël, je vais vous repasser Laura pour qu'elle puisse vous en parler. Nous sommes allés au marché de Noël de Montlouis-sur-Loire. Nous étions 5 jeunes et nous avons tenu un stand de maquillage et d'origami afin de financer notre projet qui est Nantes Minibus. Et des enfants qui sont venus à notre stand pour faire des origamis et se faire maquiller sur le thème de Noël. Je vais relancer Laura, mais cette fois sur la soirée de valorisation des projets des jeunes. La soirée de valorisation des projets de jeunes, c'était une soirée de valorisation de projets de jeunes. Par exemple, il y avait Bourge à vélo, Tour à vélo, la guinguette estivale, Tournoi de nerf, la radio. Nous avons fait une soirée où tout le monde pouvait venir. Les jeunes pouvaient inviter leurs parents pour présenter les projets qu'ils avaient faits. Et Damien a fait un petit discours sur leurs difficultés. Et moi, j'ai tenu le stand de la guinguette estivale et de Tour à vélo. La guinguette estivale, on était bénévoles pour par exemple préparer les crêpes, préparer d'autres trucs. Préparer aussi la guinguette, du coup. On a fait les panneaux. Moi j'ai fait beaucoup de panneaux, ils étaient très jolis je trouve. On a aussi peint 2 barres et on a formé la guinguette avec la caravane aussi. Et Tour à vélo, c'était un projet qu'on voulait faire en fait. On voulait aller à Bourges à vélo, mais il n'y avait plus de place. Du coup on a voulu créer un séjour à vélo entre amis. Et on l'a fait, on est parti en vélo à Tours pendant 2 jours et on a fait des activités genre la piscine du lac, la fête foraine qui n'était pas prévue. On est allé au camping à Saint-Avertin, aussi on est allé dans le centre-ville de Tours, on a fait les magasins, après on est rentré. Merci Laura pour nous avoir dit ce qui s'est passé. Tout de suite on va diffuser un son qui sera de Gazo, Nanani Nanana. Dans sa tête, c'est moi contre l'an 1 contre 1. Mon partenaire d'enfer, c'est top secret, c'est sous contrat. J'suis confiant si ça pète, c'est sûr que personne racontera. Elle est up dans les nanani, nanani, nanana. Faut que j'pense à moi avant de penser à nous. Y'a que allongé que j'donne de l'amour. Et sans la monnaie, j'ai même plus d'humour. Tout comme toi, il n'y a plus un jour. Du mal, je te ferai. Et ça me déplaît. T'es mon secret dans mon gameplay. J'ai des jouets, j'ai mon boulet troubé. Dans la gueule, rien pour tous les goûts. J'irai dehors parce que faut des sous. Non, je pourrais pas être présent tous les jours. J'ai mal, je sais. Que je me resserre, Barça ou Rotter, que des gros terres. J'suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre l'an 1 contre 1. Mon partenaire d'enfer, c'est top secret, c'est sous contrat. J'suis confiant si ça pète, c'est sûr que personne racontera. Jusqu'à l'overdose, quand on se contact. J'en raconte trop, faut que je me tais. Mais c'est sous contrôle. Je sens que l'amour me frôle. Quand elle m'épaule. J'suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre elle en un contre un. Mon partenaire d'enfer, c'est top secret, c'est sous contrat. J'suis confiant si ça pète, c'est sûr que personne racontera. Elle est up dans les nanani, nani, nana. C'était Gazo, nanani, nanana. Nous sommes toujours à Montlouis-sur-Loire et Swan, Ilan nous ont rejoints. On va parler tout de suite les 6 heures de jeux vidéo. Bonjour à tous, je suis Ilan Richer en direct de La Passerelle et je suis là aujourd'hui pour vous parler des 6 heures du jeu vidéo. Aux classes, on a été en différents groupes. Un groupe pour tout ce qui est la nourriture, donc qu'est-ce qu'on va proposer à vendre. Okay. Un groupe qui est là pour les affiches, dont j'ai fait partie. Et un autre groupe pour trouver des jeux vidéo. Du coup, moi j'étais avec Ilan et on a fait une affiche avec différents jeux vidéo et le Téléthon, expliquer ce qu'on faisait. Et le jour J, pendant 6 heures, tout le monde pouvait venir et tout l'argent récolté allait au Téléthon. On a accueilli les personnes pour qu'elles fassent des jeux vidéo. Il y avait Just Dance, je sais, il y avait Super Smash Bros, il y avait Mario Kart. On a fait deux tournois, on a fait un tournoi Mario Kart et un tournoi Smash Bros. Il y avait aussi une tombola qui était organisée. Et ben, en fait, il n'y avait que 6 participants et il y avait 6 lots à gagner. Du coup, tout le monde a eu quelque chose. Il y avait 3 bons pour la Pizza Factory de 20€ et 3 bons pour un autre restaurant. Et aussi pour les affiches, pour réussir à transmettre, on a pu en mettre une dans le Super U, le Coxy Market, dans la Passerelle, au collège et dans plein d'endroits différents où le fait que ça soit du Téléthon, tout le monde a accepté qu'on mette l'affiche un peu où on voulait. Du coup, ça s'est passé dans la salle du bas au CSC La Passerelle, là où les enfants font le classe et aussi sont accueillis le mercredi matin, Artist Kill. De 13h à 19h. De 13h à 19h. Bonjour Damien. Oui, bonjour. Il y a à La Passerelle un point information jeunesse, donc Pige. Ce point information jeunesse, c'est un endroit où on trouve de la documentation. Ça concerne surtout des jeunes, on va dire milieu de collège, lycée et plus. L'idée du point information jeunesse, c'est de la documentation sur plein de choses. L'orientation, la santé, le transport, le logement, etc. Vraiment plein de problématiques, sujets qui peuvent intéresser des jeunes. Le problème, c'est que ce point information jeunesse, il n'est que à Montlouis pour l'instant, alors que le centre social est censé s'étendre jusqu'au sud Cher. Donc, on a choisi, avec donc ma collègue informatrice jeunesse, de faire des permanences aussi sur le sud Cher, qui ont lieu à l'intervalle. Donc, c'est une première occasion de venir voir ce que propose un Pige. Et l'idée, c'est que les informateurs, informatrices jeunesse proposent au fur et à mesure des interventions et des permanences une documentation, je dirais, personnalisée selon les sujets qui intéressent les jeunes du Sud-Cher. Voilà, c'est ça, ces permanences. On en a une par mois jusqu'au mois de juin. Toutes ces informations-là qui viennent de venir sont disponibles sur le Facebook de La Passerelle. C'est Swan qui va vous indiquer lesquelles adresses ce sont. Alors, pour Facebook, CSC La Passerelle, il y a des espaces. Pour Instagram, CSC La Passerelle tout collé. Pour leur site internet, www.csc-lapasserelle.fr. Leur adresse, 14 avenue Appenweier, 37 270 Montlouis-sur-Loire. Et leur téléphone, 02 47 45 12 29. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez les appeler ou leur envoyer un message. Donc, nous allons parler du festival manga sur Loire avec un nouvel Ilan qui vient de nous rejoindre sur la plateforme. Je te laisse prendre la parole. Bonjour, donc moi je m'appelle Ilan Charlot. J'étais là à Manga sur Loire pour financer mon projet que j'ai avec deux autres amis qui s'appelle le tournoi Nerf. Et donc pendant la journée, parce qu'on est resté toute la journée, on est arrivé le matin où ça a ouvert et le soir quand ça a fermé. et où on vendait des hot dogs, des barres chocolatées et des boissons. Et ça a marché ? Vous avez réussi à assez vendre de choses pour financer votre projet ? Oui, on a assez bien vendu toute la journée. On faisait des échanges, comme on était quatre. On faisait deux personnes qui travaillent et deux autres qui pouvaient profiter. On échangeait toutes les heures. Et ça nous a permis d'avoir assez d'argent pour financer notre projet. Ok, donc là, tu nous as parlé de tout ce que vous avez fait. Mais qu'est-ce qui se passait là-bas ? Quelle animation il y avait à l'intérieur ? Bah, il y avait trois salles. Il y avait une grande salle, là où du coup le stand se passait. Une salle où il y avait réunion de plein de consoles et plein de jeux vidéo. Il y avait une autre salle qui était au niveau du dojo où ils vendaient des trucs et on pouvait aussi s'inscrire et faire le concours de dessin. Et une dernière salle avec un grand podium du coup pour les tournois qu'ils avaient fait. Donc il y avait un tournoi sur un jeu vidéo qui venait de sortir et le truc dessin. Et aussi d'autres boutiques. Ok, et ça t'a plu ou pas du coup le manga ? Oui, c'était super. Là-bas, j'y vais tous les ans et à chaque fois, on y passe d'agréables moments. Puisqu'on parle de manga, à la passerelle, il y a un concours de dessin sur les mangas. Et inscrivez-vous. C'est qui l'anime, Laura ? C'est Elisa. Bon, maintenant, on va changer de sujet. Et on va parler du spectacle de fin d'année. Et maintenant, nous allons écouter Damien qui va nous parler de la représentation de fin d'année. Alors oui, ça c'était pour les ateliers socioculturels, c'était une première, on va dire, représentation, parce que chaque fin d'année scolaire, les enfants qui participent à des activités socioculturelles valorisent ce qui s'est passé, que ce soit de la danse, du théâtre. Et là, on avait une première valorisation, on va dire, à mi-parcours, surtout de l'atelier théâtre, tout ce qui est enfants et ados. Je profite juste d'une toute petite parenthèse aussi, parce qu'on parlait de manga sur Loire avant, donc on a été effectivement présent avec des jeunes pour de la vente, et plutôt ça a bien fonctionné. Et le point information jeunesse était également présent sur le festival avec une thématique plus ou moins rapprochée, étant donné qu'on est sur une culture plutôt axée jeux vidéo, etc. Là, on était sur quelque chose autour du cyberharcèlement. Voilà, c'est un peu moins amusant, mais en tout cas, les organisateurs nous ont demandé de participer au festival sur cette thématique-là. L'occasion de parler chiffres, de parler des processus de cyberharcèlement et tout. En parlant du cyberharcèlement, j'en ai vécu et je peux dire que le cyberharcèlement, ça fait pas du tout du bien. Donc si vous en subissez, parlez-en directement à un adulte parce que ça peut vite vous faire du mal. C'est bien que t'en parles. Il y a des numéros pour ça, il y a des structures. Nous, on fait partie des structures qui permettent d'écouter des jeunes qui sont victimes de ce type de situation. Donc voilà, il y a aussi une application qui permet de directement dire ce qui s'est passé. Ouais, dire ce que je trouvais pas mon mot, mais je voulais. Mais, oui. Si vous n'avez pas le temps d'aller voir quelqu'un ou d'appeler, parlez-en d'abord à vos parents pour qu'ils puissent vous aider, parce que je déconseille quand même les applications réseaux sociaux au moins de 10 ans, parce que ça peut justement partir sur du cyberharcèlement à cause de ça. Donc mieux vaut éviter les réseaux sociaux avant de moins de 10 ans. Donc si vous êtes victime de harcèlement ou de cyberharcèlement, n'hésitez pas à appeler le 3020, c'est anonyme et gratuit. Ou parlez-en à vos proches, des personnes de confiance, mais ne restez pas seul. Et après, nous parlerons de l'orchestre d'harmonie. Petite pause musicale avec Zao de Zagazan, la symphonie des éclairs. A tout de suite ! Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant qui pourrait l'aimer. Franchement, personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. C'est la fin de la pause musicale de Zao de Sagazan. Et on est toujours à Montlouis-sur-Loire, à la passerelle. Et donc nous devions vous parler de l'orchestre d'harmonie. Mais nous n'allons pas vous en parler aujourd'hui car ça part d'un projet, le parcours du spectateur. Mais nous vous parlerons de tout le projet en détail dans la prochaine diffusion. Et du coup c'était Méline, Ilan. Il y avait aussi Laura, Damien et plein d'autres personnes. Moi c'était Swan. Et on se quitte avec Méline qui va chanter et moi qui vais l'accompagner avec un gobelet. I buy my seat inside the low ever. You buy my seat or buy my way. Am I too? I start to prefer. I say, I know Sunday, but when I go. When I go, when I go, you better sit up when I go. You better miss me by my head. You better miss me every year. You better miss me when I go. When I go, when I go, you better miss me when I go. You better miss me by my head. You better miss me every year. You better miss me when I go. When I go. Me when I go. Amen.